Les membres de la délégation de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon ont adressé le 6 courant une lettre au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé de la lettre. La 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, tenue en grande pompe sur l'initiative personnelle et la direction méticuleuse du maréchal Kim Jong-un, a été un grand événement politique qui a assuré parfaitement le développement éternel du mouvement de la jeunesse Kim Il-suniste, Kim Jong-liste et manifesté dans le monde la dignité et le prestige de la puissance de la jeunesse Kim Jong-un. Le maréchal, qui aime particulièrement les jeunes et enfants coréens résidant au Japon, a invité avant les autres la délégation de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon à la première conférence des jeunes de la grande ère Kim Jong-un. Il a rendu glorieuse et heureuse en lui accordant la grande confiance et l'affection au nom du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Bien que nous sommes à l'étranger, nous honorons toujours de tout cœur le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il feront briller les idées et exploits immortels des grands hommes Paektusan et feront progresser victorieusement le mouvement de la jeunesse coréenne au Japon selon la volonté du président et du général.